Le rap de la banane. Qui a volé ma banane? C'était mon seul goûter qui a volé. Mais si je t'attrape, mec, Mike, c'est toi, mec, tu as volé, mon. Franchement, tu fly, il m'a volé. J'étais dans la cour de récré. Soudain, yeah. Ouais, ça, c'est pas mal. Qui a volé la banane? Qui? Rio? Le mec, il est venu, il me parle de kiwi. J'étais là tranquillement avec mes bananas. Pff, trop énervé, trop craché par terre. Ouais, c'est trop chaud, trop. Ce mec là, regardez de travers. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, viens te battre avec moi. Je vais tomber par terre. C'est ça. La balade. Ce type s'appelait Philippe. Ce type s'appelait Philippe. Il débarque avec son slip blanc. Il tient à me défier. Ce gars-là tient à me défier. Je suis prêt à clasher. Je suis prêt à clasher. Tu veux me défier? Hey Mike, Mike, je vais te clasher, mec. Hey Phil, Phil, avec ton slip blanc, fais le show. Porteur de slip blanc, on représente les porteurs de slip. Ce gars-là suit son corps, son pouce. Mets les doigts dans le nez. Pas le poids, mec. Se déplace en kangourou. Son slip dispose de 5 poches différentes. Bienvenue. Bienvenue. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau notre grand gourou, Coco. Notre grand... Bonjour à tous et à toutes, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous accueillons un frère de sang, mais aussi un frère spirituel. Aujourd'hui, nous accueillons Phil, dénommé Philippe, qui va nous raconter son histoire, son passage de la mort vers la vie. Phil était un garçon comme les autres. Il portait des slips, se baladait, draguait les filles. Et aujourd'hui, tout a changé. Ce gars-là va nous raconter son périple de la vie. Comment il a pu passer des ténèbres à la lumière. Et oui, mes frères, car c'est la lumière que l'on cherche en venant se rassembler ici même. Oh, chantons ensemble. Oh, oh. Ce soir, célébrer la messe. Manger les bananes. Sortez vos bananes aujourd'hui, mes frères et sœurs. Partageons tous ensemble, car c'est le fruit de mes entrailles. Ah, je vois. Le sourire. Ah, banane. Banane. Notre grand gourou. Sacrifiez-vous pour moi. Vous êtes mes esclaves. Prenez tous vos bananes et parcourez le monde. Parcourez le monde et partagez mes bananes. Tout le monde aura. Attention, je commence à avoir peur. Mon Dieu, j'ai peur. Commençons la formule magique ensemble. Non, je ne veux pas mourir. Non, kangourou. Prononçons cette formule magique ensemble. Je n'aime pas les bananes, je suis désolé. Ouh, la banana. Je t'en prie, kangourou. Non, ne me force pas. Banana. Ne me force pas à manger ta banane. Non, non. Tu vas manger. Tu vas la manger, quel que soit l'orifice. Tu vas manger cette banane. Mange la banane. À manger la banane. Et je préfère la banane, moi, doudou. Il va manger la banane. Je préfère la banane. Il faut manger. Ah là là, moi, je préfère manger la banane. Il faut manger les bananes. Aïe, la banane, ça fait mal. Aïe, aïe. Va manger banane. Oula. Il va manger. Va manger banane. Il va manger banane. Va manger banane. Va manger banane. Va manger banane. Je vais manger la banane avec la nana. Va manger banane, va manger banane, va manger banane. Et oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons un converti. Il est converti, ça y est, il ne portera plus de slip blanc avec des poches. C'est Phil, quoi. Appelons-le Philippe, dorénavant. Happy banana. Moi je voudrais dire. Moi, je voudrais dire un truc. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Allez, on fait un battle. Yeah, yeah. Mes frères et sœurs. Yeah, yeah, yeah, yeah. One, two. T'as mis au jus la nana, elle a mangé la banane. Yeah. One, two, three, four. J'ai mangé. One, two, three, four. Mes frères, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. La violence que l'on peut faire sur les animaux, mes frères. Mes frères, rentrons dans le débat aujourd'hui. Mes frères et sœurs, Mike, Phil et j'en passe, les convertis. Tu préfères raconter n'importe quoi. Oh, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est ça, bienvenue à la soirée. Oui, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme on ça. On se balade, nous et moi. C'est mieux comme ça. Même si on sait pas où on va. Ouais, au moins on y croit. Faut ouais, on y croit. N'importe quoi. Ah non, non, on non, est non, pas non, la star. Je suis à la Starac. Est-ce que c'est pour ça que j'ai pas le trapé? T'as raconté n'importe quoi. Au moins moi j'y crois pas. Tous ces blabla que tu me verses là. Vraiment ça ira comme ça. C'est la chanson du n'importe quoi. C'est quand t'as le cœur à rire ou quoi. Dans le n'importe quoi. Oui, plein d'amour dans le n'importe quoi. Oui, plein d'amour, même si c'est n'importe quoi. Oui, plein d'amour, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Mais j'aime ça. Et puis voilà. C'est n'importe quoi. Mais j'aime ça. Mais c'est n'importe quoi. Voilà. Mais j'aime ça quand même. Jusqu'ici, vous voyez n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi, mec. Oh ouais, mais qu'est-ce ouais, que j'aime ouais, ça. Mais c'est n'importe quoi, mec. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais j'aime ça. C'est n'importe quoi. Rassure-toi. Rassure-toi, y'a pas que toi qui porte n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Et oui, voilà. Écoute la radio, tu dis n'importe quoi, longueur. Et c'est tout aussi beau que ça. C'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quoi, quoi, quoi. C'est n'importe quoi. Quoi. Porte n'importe quoi, des slips blancs, des trucs de merde. Quoi, quoi, quoi, quoi. Mais j'adore ça. Vraiment n'importe quoi. J'adore ça. Oh, y'a pas que toi. N'importe quoi. Y'a pas que toi qui adore ça. N'importe quoi. Ah ouais, je confirme, c'est n'importe quoi. Entre n'importe qui, on peut faire n'importe quoi. Je porte n'importe quoi. Car je te le dis, on dit n'importe quoi. Oh oui, n'importe quoi. C'est intéressant. Oh, dis-moi n'importe intéressant, quoi. Mais n'importe quoi. C'est intéressant, c'est intéressant. Heureusement. Mais c'est n'importe quoi. C'est intéressant, intéressant, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Pour n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je porte des slips blancs. Tu ne sais pas moi, c'est n'importe quoi. Je porte des t-shirts serrés. Et le slip, c'est pas n'importe quoi. Je porte des slips blancs. C'est pas la mode, mais j'adore ça. Ça ne reste pas longtemps quand tu fais c'est pas n'importe la mode. Quoi. Toi qui ment, qui dit n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, c'est qui dit n'importe quoi. Ouais. C'est là que je vois que c'est n'importe quoi, mais je m'en fous. J'adore ça. Oui, j'adore ça. Je porte des slips blancs. Je porte des t-shirts troués. Je porte des casquettes anciennement. Je vais manger quelque chose en bas. J'porte n'importe quoi. J'porte des slips blancs. Oh ouais. Mais qu'est-ce que j'adore ça, être différent. Yeah. Être différent. Être belle Philippe, je me balade sur la plage, accompagné de mon chihuahua, wawa, accompagné de mon chihuahua. Je me prénomme Philippe. Je me prénomme Philippe. Le batteur, tu vas te caler. Thank you. je prénomme Philippe, Philippe, Philippe. Leur chihuahua. Se balader avec leur chihuahua. Leur chihuahua. Se balader avec leur chihuahua.